Vous êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le thé, c'est la vie, alors on goûte à la vie avec Xavier Antoir. Et on passe pas avec Nicolas Duchamp. On a aussi les plus récents développements de la grève à l'AGEQTR. Assemblage requis commence maintenant! Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 19 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Et je crois que pour bien des gens aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils entendent le début d'Assemblage requis. Donc, bienvenue à vous si vous écoutez dès le début. On a plein de choses à l'émission d'aujourd'hui. On va avoir Xavier Antoir et sa chronique Tais-toi et cuisine vers les 8h. On devrait aussi avoir Nicolas Ducharme et son résumé des actualités sportives de l'Écho Trois-Rivières, entre autres. Nicolas Ducharme, bien sûr, on le connaît. Ben oui, certainement. C'est à 8h30. En début d'émission, à 7h15, on va avoir Kiwan en direct de l'Alberta. Sa chronique Kiwan en cavale nous fait entendre de la musique canadienne. Tout à fait. On va essayer au moins de mettre la main sur quelqu'un de l'OGE pour nous parler de ce qui se passe ce matin, parce que là, il y a plein de monde en fait dans le pavillon. Un ébauchement. On sait pas ce qu'ils s'en vont, on sait pas ce qu'ils vont faire. On a des petites idées, savoir. Là, mais c'est ouais, ça. Non, mais on a des idées, certainement, là, mais on veut que ça soit clair. Oui, on veut être au courant de tous les faits pour pas dire n'importe quoi. Hein? Il s'est passé tellement de choses en fin de semaine, tellement de revirements de situation par rapport à toute cette situation de la grève. Donc, on vous en parle plus tard dans l'émission. Mais on débute avec la formation Alec Podcast. Voici Talent sur C'est fou. 89 FM. Hey, puis bonne émission. N'oubliez pas ça. Passez une bonne émission. Ce talent, ce talent. Toi, tu as ce talent. De lesbiennes que de gens de couleur, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être un hasard. Mon vieux classique succès d'assemblage requis. Ici, c'était Annie Hall avec Mauve. Ça, c'est la formation Mauve sur l'album Cinéma Pimoute. Il est 7h12 minutes et on est toujours en attente de Kiwan qui va nous téléphoner dans quelques minutes pour sa chronique Kiwan en cavale. On veut aussi parler à quelqu'un de l'AGUQTR. Donc, Camille a demandé un troisième engin. Camille a demandé un troisième engin. Pointez-vous dans le studio, là. C'est des blagues. On veut du monde. Ouais, pour l'instant, on écoute de Jezebels. Voici Tricolor. Essayez donc ça pour voir. Nettoyage, troisième engin. Great conversation, smothered on me, journey my soul over time. You seem like a write-off, compromise, going for mind over mind. Take all of my heartache, so circle down to make a hell of a morning. Bring me some gold from the vine. Yes, Tricolor, la formation de Jezebel sur leur album Prisoner à Assemblage Requis. Mm-hmm. C'est bon, on aime ça. Ben, qu'un. Ben, qu'un. Regarde-moi ça. François. Mathieu. Est-ce que tu as envie d'appuyer sur une pédale? Allons-y. Ouais. Tu parlais de quoi? Je sais pas, une pédale. Ça a l'air bizarre d'une même, on dirait comme plein de préjugés. En regard. Donc, voici Kiwan en cavale. Salut Kiwan. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, vous? Ça va? Très bien. Bon matin. T'es pas en grève, toi? Non. Bon. Au travail. Quand tu fais la grève, t'auras peut-être plus l'emploi. Mais vous aussi, ce que je vois, là, vous êtes fidèle au poste. Ça va bien tenir les gens informés, nous, hein, c'est ça? On est là pour ça. T'sais, ça va le faire de retourner chez nous et dormir, mais non. Donc, Kiwan, tu nous parles de musique canadienne comme toutes les semaines dans ta chronique Kiwan en cavale. Et aujourd'hui, tu as trois choses à nous présenter. Oui, ben en fait, premièrement, je vais commencer avec deux artistes que j'ai vus en fin de semaine, dont un dont je vous ai parlé quand même récemment, ça fait pas si longtemps. Zach Pick, je vous avais parlé de lui, c'est un artiste qui vient de Medicine Hat ici, mais qui habite maintenant à Vancouver. Et lui et Joshua Hislop sont présentement en tournée. Et puis, ça arrêtait en fin de semaine à Medicine Hat. Puis, c'est assez rare qu'il y ait des genres de petits spectacles comme ça. Ça, c'est pas une grosse tournée, là. Évidemment, c'est deux artistes qui ont chacun un ou deux EP, là, quelques pièces comme ça qui ont sorti. Puis, ils partent avec leurs pièces comme ça. Puis, c'est très, très homemade, là, comme tournée. Ils sont vraiment tous les deux dans leur voiture. Ils sont partis de Vancouver, là, presque une semaine. puis s'en vont vers l'est. C'est vraiment un vrai road trip. Là. Les deux ont leur guitare, leurs amplis dans l'auto, puis ils descendent en auto. Là, jusqu'à, le voyage, on l'a mené finalement jusqu'à Montréal le 30 mars prochain. Donc, c'est ça, c'était un petit spectacle tranquille comme ça. En même temps, ça m'a permis de découvrir une nouvelle salle. Ben, c'est pas une salle, en fait, c'est comme un genre de café que je connaissais pour être, entre autres, une galerie d'art, mais je savais pas qu'ils faisaient des spectacles, puis c'était vraiment très, très sympathique. Puis étant donné que Zach Pick viennent des Snaps, il y avait plein de monde, donc ça donnait l'impression qu'il y a une vie culturelle active à Medicinat, puis c'était très le fun. Illusion, hein? Ouais, c'est ça. Donc, ces deux artistes-là qui sont très, très folk, c'est vraiment dans la tradition folk canadienne, un peu country même, je dirais. Donc, okay. On va entendre un extrait de chacun de ces deux artistes-là. Et aussi, je voulais vous parler de Half Moon Run, qui font beaucoup parler d'eux présentement parce qu'ils sont, comme vous avez comme plein d'artistes là, dont vous avez probablement entendu parler, sont présentement à South by Southwest, mm-hmm. à Austin, au Texas. Et c'est ça, Half Moon Run, c'est un groupe de Montréal. En fait, les membres viennent de Ottawa principalement, je pense, c'est un peu de la Colombie-Britannique, là, c'est pas très clair leurs origines. Mais le groupe s'est formé à Montréal, ils sont actifs maintenant à Montréal. Ils vont sortir leur tout premier album à la fin du mois, le 27-28 mars prochain. L'album s'appelle Dark Eyes. Et c'est un album qui a l'air d'être quand même assez attendu. Moi, j'avais entendu parler un peu d'eux avant, mais pas tant que ça. C'est l'album à sortir sous l'étiquette Indica Records. Et c'est vraiment très bon. C'est quand même différent. Ben, en fait, vous voyez, moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas jeté un coup d'œil du côté de ce qui se faisait chez Indica Records. Puis j'ai été surpris un peu quand j'ai entendu le son de Half Moon Run. Je me disais, il me semble que c'est assez différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais j'ai réalisé que Indica, depuis 10 ans, là, ont vraiment beaucoup, beaucoup changé. Et leur style est vraiment très, très varié. T'sais, à l'époque, c'était vraiment une étiquette très punk rock là qui avait été créée, on sait, par les gars de Grimmskunk. Mais depuis le temps, ça a tellement changé. Là, je suis allé faire un tour sur le site de la maison de disques, puis il y a un paquet de groupes que j'ai écouté dans les dernières années et que je savais même pas qu'ils étaient produits par Indica. Donc, cet album-là de Half Moon Run a un son je dirais pop rock, avec des guitares. Les guitares sont très, très présentes. C'est de très bons musiciens. Les arrangements sont vraiment d'une très grande qualité. Et très bonne pièce. La pièce qu'on va entendre, c'est Little Circle, je crois. Si je peux essayer de t'aider là-dedans, c'est Full Circle. Full Circle. Full Circle, OK. Voilà. Désolé. Je le cherchais. Donc, on va écouter ça à la fin du bloc. On va débuter avec Joshua. C'est comment tu as dit? Hislop? Hislop? Hislop. Hislop. J'ai pas demandé. J'aurais dû demander. C'est difficile. La pièce Little Sparrow, puis au milieu, Zach Pick avec Whitewater. Le temps de te demander si la météo est aussi clémente qu'ici. Nous, on tape les 20 degrés dans les prochains jours, je crois. Ah oui, formidable. C'était une très, très belle fin de semaine ici, là. Ouais, ben ça, nous aussi, dans la dernière semaine, on a eu du 20 degrés, sauf que là, ce matin, il y a un petit fond de neige là, qui vient de tomber. Oh. Donc, bon. Pour une fois qu'on n'a pas nous autres. Ouais, c'est ça, c'est rare, vous avez une plus belle météo qu'ici, mais ça arrive aujourd'hui, on dirait. Faut bien qu'on compte un point à quelque part là-dedans. C'est une journée idéale pour une manifestation, je dirais, aujourd'hui. Ah, bien dit, Kiwan. On te retrouve la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, les gars. Lundi à 7h15. Merci, Kiwan. Merci, Kiwan. Exactement. Bye. Bonne semaine. Bye. Et que ce Kiwan qu'il est donc. Contrairement à l'ordinateur. Lui ne veut rien savoir. Little sparrow, sing your song all day long through the summer and the fall. When winter calls, who will write down what you sing? When the winter turns to spring, who will cast the first stone at me for what I've done to the least of these? Little robin, rest your head. The sun is dead. From the shelter of your tree, may you be. you are cold. Through the night your story's told to the lost and the lonelier souls that search for love and still grow. drop off, kneeling at the back of the church, feeling water on your brow with its healing. It hurts at first, a sharpish pain that returns as a thought that the needle in your skin will bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle. I'm hopeless with no coffee and a medical text. It's too easy knowing nothing, blowing off the rest. And the riddles and the pages leave it too much to guess. And the worry cracks and fracture from your hip to your chest. As I watch as your hand turns full circle. C'était Half Moon Run et la pièce Full Circle dans le bloc Kiwan en cavale, l'assemblage requis. On remercie évidemment Kiwan en direct de l'Alberta pour nous avoir présenté ces trois pièces. Ce qu'il y a eu avant, c'était Zach Peake avec Whitewater et au début, c'était Joshua Islop avec l'extrait Little Sparrow. Voilà. Fantastique. Beau choix comme toujours. Kiwan. Oh oui, c'est tout le temps bon. C'est un roi mage. C'est tout le temps. C'est un roi mage. Oui, oui. Il est sage aussi. Oh oui. Un roi sage. Sage, mage, AGEQTR, mettons. Oui. Toutes les choses qui riment en âge, c'est les meilleures. On a de la misère à se trouver quelqu'un, là. Ouais, ben, c'est un petit peu difficile, hein. Les gens sont très, très occupés. Ils sont là, puis ils manifestent, puis ils ouais. piquent, puis. Exactement. Puis, peut-être François Landry, il y a des possibilités un peu plus tard dans l'émission. Ben, c'est ça, on a le temps encore. Restez avec nous, là. On aurait aimé ça vous tenir au courant chaque demi-heure, là, mais ça s'en vient. Ne vous en faites pas. Tout ce qu'on a à vous dire ce matin, c'est que les gens sont là, ils vont piqueter autour du campus. Donc, ça veut pas dire qu'il va y avoir des cours. Et puis, il va y avoir plus de 300 étudiants qui vont occuper, d'ailleurs, le pavillon Pierre Boucher à l'UQTR pour un ultimatum lancé à la rectrice aujourd'hui à midi. Donc, j'imagine que les étudiants qui désirent y aller le peuvent. Mm-hmm. J'imagine, là, je m'avance un peu pour que, justement, qu'il y ait une suspension des activités de cours demandées. Ouais, parce qu'on rappelle qu'en fin de semaine, l'UQTR a décidé que finalement les deux jours de jeudi et vendredi, c'était assez pour la levée de cours. Oh, ouais, c'est ça exactement. Ils ont décidé qu'aujourd'hui, les cours reprenaient, les activités normales reprenaient. En théorie, c'est sûr qu'évidemment, si le campus est bloqué et que les professeurs ne peuvent pas passer parce qu'ils ont eu la règle de ne pas franchir les lignes de piquetage, évidemment, peut-être qu'ils pourront pas se rendre à leur cours. Mais on part encore une fois pour y dire parce qu'on attend d'avoir les informations claires et officielles de la part de l'UQTR avant de vous dire un petit peu trop n'importe quoi. Pour l'instant, on prend une petite pause et puis on revient après ça avec la chronique Cynix. Restez avec nous. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 9h. Toujours avec François-Louis Marchand et Mathieu Plante à 7h36 en ce lundi matin 19 mars. Maintenant, on va parler un petit peu de la grève parce qu'on a parlé tantôt, mais on avait l'air de dire n'importe quoi un petit peu, je pense. Un petit peu. Bon, on connaît pas tellement le sujet et donc Simon est là pour nous renseigner. Simon Fitzbay, bon matin. Bon matin, messieurs. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, et vous? Formidable. Superbe. Donc, je veux juste vous dire, c'était pas super que ça hein, tantôt. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant ce que vous avez dit par rapport à la grève. Oh, que t'es gentil. Ouais, oh, que t'es gentil. Non, mais écoute, une chance que t'es là pour en rajouter et parler de ce qui s'est passé depuis jeudi parce que, en fait, moi, il m'en manque un petit bout, là. Oui. Donc, écoutez, depuis jeudi, en fait, les étudiants se sont rassemblés. Hein, on sait qu'ils se sont rassemblés mercredi après l'assemblée directement dans le 10-12 pour préparer ce qui allait se passer cette semaine. Dans les dernières journées, il y a eu plusieurs rassemblements des formations de comités aussi. Comité de mobilisation, bien sûr, qui s'est agrandi. Comité de communication aussi, si on veut, un peu informel, qui s'est formé aussi pour faire de l'information à la fois aux médias, mais aussi pour les grévistes, pour les gens aussi qui voudraient avoir d'informations sur la grève, qui pour répondre aussi aux questions des manifestants. Aussi, on sait que, en fait, dans les dernières journées, il y a eu aussi des activités qui se sont faites dans l'UQTR pour dessiner des pancartes, bien sûr. Et je vais vous dire, j'ai fait l'essai et je suis pas très, très bon en dessin. Ah non? Non, c'est pas très, très joli, en fait. Mes pancartes ne seront malheureusement pas affichées sur les lignes d'affichage. Oh. Ah non, écoutez, c'est... Moi, on m'a dit, il y a lait. Puis, il y a ce que t'as fait. Il y en a qui ont beaucoup de talent sur Facebook. On voit beaucoup de personnes qui postent leurs pancartes et il y en a des réussis pas mal. Oui, il y en a des quand même jolis. Il y en a qui font ça aussi extrêmement rapidement, comparativement à moi qui a besoin de plusieurs minutes, ne serait-ce que pour penser à ce qui pourrait être dessus. Mmh. Mais non, il y a des gens très talentueux. On a pu les voir à l'œuvre, justement, jeudi et vendredi, sur le campus. Mmh. Pour ce qui est d'aujourd'hui, chez moi, en fait, je dois vous dire, j'étais pas au courant à partir il y a jusqu'à 5 minutes, j'avais pas beaucoup d'informations parce que ce qu'on allait faire aujourd'hui, c'était garder secret. Fallait que les gens se rendent à 6h15 au 10-12 ce matin pour avoir des informations sur ce qui allait se passer. Dans mon cas, vous savez, vous me connaissez, je suis un lefto légendaire. Donc, je n'étais pas au 10-12 ce matin, mais j'ai eu des informations des gens qui sont là. Il va y avoir occupation du pavillon Pierre Boucher pour, bien sûr, se faire entendre auprès de la rectrice. On parle d'environ 300 étudiants, comme vous avez parlé tout à l'heure. Il y a des photos qui circulent d'ailleurs sur Facebook, les gens qui étaient au 10-12 ce matin. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont levés très tôt pour y aller. C'est remarquable. Bravo, parce que c'est ben vous, messieurs, vous êtes déjà très remarquables de le faire à tous les matins. Là. Mais on n'a pas fait de pancarte, tu sais. Non. Non, ben, mais de la part d'étudiants de tous les jours, là, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Ben, je pense qu'on était chanceux, comme j'ai dit au début de l'émission. Il y a bien des gens qui ont entendu l'ouverture d'Assemblage Requis pour la première fois, peut-être. Oui, effectivement, oui. C'est très vrai. C'est d'ailleurs très bonne ouverture, hein, n'est-ce pas? Hey, merci. Toi aussi, c'était ça, hein? Ouais. Ah, pardon? Tu l'avais jamais entendu. Oui, j'ai déjà entendu. Oh, Mathieu Blanc. Et aussi, donc, on va avoir du piquetage qui va se faire partiellement un peu partout dans la journée. Mais... je peux vous dire d'ailleurs que les étudiants de Q seront à leur porte du Ringuet comme ils l'ont été depuis mercredi dernier. OK, c'est ça, mais est-ce que les étudiants ont comme consigne, ben en fait, les grévistes ont comme consigne de pas laisser passer personne ou... C'est pas ce que moi j'ai entendu. Je dois vous dire que de ce côté-là, objectivement, je peux dire que ça a été un peu déficient par rapport à la communication. On ne veut pas de violence. Donc, si les gens veulent absolument passer, ils passeront. On va simplement... L'idée, c'est de ralentir peut-être la progression des gens sans nécessairement mettre la vie ou la santé ou mettre personne en danger. L'intégrité de la personne en danger, on n'a pas l'intention de faire ça, pas du tout, du tout. Par contre, je dois dire qu'il y a les réponses sur les réseaux sociaux de la part des gens qui sont contre la grève ont été quelque peu, spéciales. Il y en a qui parlent de franchir les lignes de piquetage à coûte que coûte. Ce qui pourrait peut-être mettre les étudiants en grève, en fait, ceux qui font du piquetage en danger. Donc, il faudra aussi faire attention de ce côté-là. Mais je vais vous dire que jusqu'à maintenant, la réponse est très, très pacifiste. Il n'y aura aucun problème. Et ici, il faut dire aussi aux gens qui viennent travailler, comme vous, messieurs, comme les autres personnes assez fous, comme les personnes qui travaillent à la chaise galerie, qui travaillent également comme employés de soutien du CTR, les chercheurs comme moi pourront aussi se présenter sur le campus et on devrait les laisser passer. Comme je disais, on va essayer peut-être de les ralentir, mais il faut juste être patient quelque peu et vous serez dans l'université d'une façon ou d'une autre. OK, pour ceux qui sont capables de patience. Ouais. Oui, pour ceux qui sont capables de patience, effectivement. Mais sortez pas le poivre de Cayenne tout de suite, ça vaut pas la peine. Non, ouais. Okay, il y a eu des allusions à ça un peu sur les réseaux sociaux. C'est un peu. T'es sérieux? On est rendu là? Oui, c'est des gens qui écrivent des choses. Ouais. Là. C'est-à-dire qu'il peut. Des fois, les écrits peuvent dépasser les actes qu'ils ont commis. Là. Ouais. J'espère qu'il n'y a personne qui a été s'acheter un taser sur eBay. Là. Hein? Ah, il faudrait pas. Ils n'ont pas dû le recevoir encore. Plusieurs étudiants, d'ailleurs, ont dit qu'ils allaient amener leur caméra vidéo, leur caméra photo pour vraiment s'assurer que tout se passe bien et que ce soit d'un côté comme de l'autre. S'il y a de la casse, s'il y a des gens qui veulent agiter, eh ben, ils seront dénoncés. OK. Ouais. Ah, ça, c'est bien, ça, par exemple. Effectivement. Comme je vous l'ai dit, du côté des grévistes, il n'y a aucun. On veut pas. Vraiment pas attirer, c'est-à-dire la mauvaise mood, une mauvaise vague de ressentiment. Ouais, on veut vraiment simplement faire selon ce que les gens ont voté, dans le fond, pour faire, c'est-à-dire la grève. C'est ça, exactement. C'est un vote qui a été démocratique, la marge est peut-être très basse, mais quand même, ça reste quelque chose qui a passé. Et tous les étudiants littéraires sont en grève, pas seulement les 1000 quelques personnes qui ont voté pour. Non, c'est ça, exactement. Donc, mais en fait, les actions aujourd'hui, c'est un peu pour décourager aussi les jeunes de venir. Oui. D'essayer, en fait, de passer la ligne de piquetage. Hey, mais la réponse de l'université est assez cinglante, hein? Assez cinglante, effectivement. On a décidé, et même dans les courriels, je pense que si vous l'avez lu. C'est clair. Oui, c'est clair. On dit venez à vos cours, il n'y a pas de problème. Si les gens essaient de bloquer les accès, on va s'assurer que vous puissiez. Rentrer. Ils vont prendre les mesures nécessaires pour que le campus demeure accessible. Il va y avoir des gardiens de sécurité ou quoi? Quelque chose pour, En fait, on a déjà vu dans le stationnement, Garda était là, était présent, il faisait rien, du moins pour l'instant, mais je pense que... On a probablement décidé d'augmenter les effectifs là, de la sécurité. Ah, tout à fait. En même temps, écoutez, de point de vue objectif, je pense que ça peut rester quand même une bonne idée parce que bon, ça peut aider à encadrer également les d'un côté comme de l'autre. Oui, exact. Il y a des débordements. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas vraiment. On verra aujourd'hui. C'est une première en l'UQTR. C'est la première fois qu'il y a une grève. C'est la première fois également qu'une grève est votée, que des gens se présentent pour piqueter. Oui. Parce que d'ailleurs, si vous parlez à François Landry éventuellement, vous pourriez demander, lui, il était venu en 2005. Il était étudiant à Sherbrooke à l'époque et il était tout seul à piqueter lors des trois journées de grève qui avaient été votées. Donc, c'est vraiment une première. Et d'ailleurs aussi, j'aimerais souligner que aujourd'hui, si les gens vont à leur cours, s'ils décident d'aller à leur cours, à leur examen, puisqu'il y a des examens qui sont à l'horaire toute la semaine, attendez-vous à ce que ça soit perturbé parce que les étudiants ont dit qu'ils allaient faire donc quelques passes. Entrer dans les classes. Oui, entrer dans les classes pour simplement mettre les étudiants au courant qu'ils sont en grève et que c'est, dans le fond, leur devoir de sortir. Oui, il n'y a pas bien en faisant ça. Ben, les étudiants qui vont à leurs examens. Pardon? Les gens qui vont à leurs examens n'aident pas vraiment la cause. Non, ils n'aident pas vraiment la cause, effectivement, et ça va être fait toujours d'une façon très pacifique. On s'attend à peut-être à être mal reçu, il faut le dire, mais il n'y a pas question non plus d'agiter. Les personnes, il y a eu des cours qui ont eu lieu quand même en fin de semaine, les cours de MBA qui avaient lieu le samedi de 8h le matin jusqu'à 5h le soir, eux Est-ce que ça a été perturbé, ça? Je crois qu'on a essayé d'aller discuter avec les étudiants ont décidé de rester dans leur classe. Donc, on va pas non plus les sortir de force. Là. Non, c'est ça. Vraiment, si... En fait, ce qui est convenu et ce que tout le monde s'entend du côté des profs et du côté des étudiants, c'est que si le professeur arrive dans sa classe de 90 personnes et qu'en vrai, il y en a peut-être juste 10, ben le cours n'aura pas lieu. Mm-hmm. Mais si il y a 89 personnes sur 90, le prof... Il va le donner. Il est obligé. Mais d'ailleurs, je vais saluer, peut-être qu'il nous écoute d'ailleurs, mon collègue Louis Lacroix, qui, lui, a décidé de faire comme les étudiants d'études québécoises et de rester à la porte du Ringuet. Et il a d'ailleurs donné une bonne raison de motivation à un prof pour retourner chez lui ce matin. Ah ouais? Ouais, puisqu'il faisait le piquet de grève et le professeur a décidé de ne pas franchir le piquet. Et il est donc retourné chez lui. C'est quelque chose de très apprécié. OK. Ah oh ouais, c'est très cool. Ouais. Puis du côté aussi des étudiants employés, l'ASPRUQTR, qui est bien sûr notre nouveau syndicat, ici, les QTR nous ont demandé, en fait, de ne pas franchir, en fait, recommandé de ne pas franchir les lignes de piquetage. Mais on peut toujours aller travailler puisque c'est pas la grève des étudiants travailleurs, mais plutôt des étudiants tout court. Par contre, si l'intégrité de la personne peut être mise en danger d'une façon ou d'une autre, exactement. Il y a des lois sur la sécurité santé au travail qui régit le tout. Et c'est valable pour tous les employés syndiqués de l'UQTR, d'ailleurs, qui sont tous c'est-à-dire qui ont tous des notions de sécurité santé au travail. Ils vont pouvoir également donc en parler à leur superviseur si jamais ils ont un problème quelconque. OK, formidable. Juste rappeler aux gens aussi que la direction de l'UQTR a suggéré fortement aux professeurs, aux chargés de cours, de reporter toute évaluation. Donc, si vous avez des examens, là, ça devrait être remis. Là. Ça devrait être remis. Et comme j'ai dit à peu près à tout le monde qui me parlait d'examen cette semaine, tout ce que vous avez à faire, écoutez, vous avez un ordinateur, vous avez une boîte courriel, vous envoyez un courriel à votre professeur pour lui demander, peut-être même pour lui suggérer justement de repousser l'examen parce que de toute façon, selon moi, il y aurait des bonnes chances que les profs qui vont faire leurs examens quand même soient obligés de les refaire peut-être dans une semaine ou deux là, parce que ça n'aurait pas de bon sens de faire manquer un examen à un étudiant qui a voté pour la grève. Là. Non, mais c'est ça exactement, là. Donc, ça va être quelque chose à voir. Là. D'ailleurs, il y a des horaires ainsi que les locaux de cours des examens qui circulent du côté des comités de grève. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Probablement que ça va être de la sensibilisation, comme on en avait déjà parlé auparavant, des gens qui vont se présenter dans les classes pour inciter les gens à sortir et à ne pas, participer aux activités normales. Fantastique. Parfait. Bon, donc Simon Fitzbé, on est au courant maintenant? Oui, c'est tout ce que je sais. Hein. J'aurais aimé être plus au courant, mais bon, la règle du côté des comités de grève dont je ne fais pas partie, c'est de garder le plus d'informations secrètes à aller jusqu'à la dernière minute. Oui, c'est ça, l'effet de surprise aussi, puis tout à fait. Oui, l'effet de surprise, mais quand même, il faut dire que, bon, on pourra s'en reparler de ça au courant de la semaine si vraiment on a plus d'informations. Oui, justement, est-ce qu'on s'en reparle demain? On pourrait s'en parler demain, oui. Moi, ça me ferait plaisir, en fait. OK, bon, formidable, en fait. Au moins, on va avoir quelqu'un pour la semaine. Oui, je vais aller me promener avec mon petit calepin. Je vais me mettre un petit papier presse dans mon chapeau pour aller chercher les informations toute la journée. Parfait. Dans ton trench coat. Merci, Simon Fitzbé. Hey, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, messieurs. Bonne journée. Bonne fin de journée. Bye. Simon Fitzbé, qui nous parle évidemment de la situation de grève générale illimitée en ce moment à l'UQTR. On va lui reparler. On va parler peut-être... Ça fait genre. Exactement, c'est un sujet très, très controversé. Donc, on vous tient au courant. Ici même à Assemblage requis, du lundi au jeudi, entre 7h et 9h. Pour l'instant, François, on transitionne rapidement à la chronique geek CNX, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Chronique Geek CNX en ce lundi 19 mars, première chronique de la semaine, évidemment. Donc, on résume les journées de jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va y aller très, très vite. Une équipe de chercheurs de l'Université de Cambridge a publié dans le Proceedings of the Royal Society ses recherches sur une désimprimante capable d'effacer le toner d'une page imprimée avec une imprimante au laser. Oui, la technique utilise un rayon laser qui permet de vaporiser le toner d'une feuille, ce qui pourrait notamment permettre à terme de réutiliser du papier usagé plutôt que de le recycler. Je cite, l'idée était de trouver quelle énergie était assez élevée pour que le laser puisse vaporiser le toner, mais assez basse pour éviter la destruction du papier. Je pense que c'est assez important, ça. Ouais. Donc, la longueur d'onde idéale pour l'opération est finalement de 532 nm. Avec une durée de pulsation assez longue de 4 nanosecondes. Détail intéressant, il est possible d'effacer et de réimprimer une feuille avec ce procédé à plusieurs reprises. Plus une page est effacée, plus le laser risque de l'abîmer, par contre, notamment en lui donnant une teinte jaune. Les chercheurs de Cambridge n'ont toujours pas breveté la technique, ni contacté le fabricant d'imprimantes pour leur proposer leur découverte. Il faudra donc attendre encore longtemps avant que les imprimantes tout en un intègrent également une désimprimante. Joli terme, quand même. Oh, oui. Bonne idée.

crois que Xavier aime cette pièce-là. Winter Mist, le paradis à Assemblage requis. Hein? Oh, deux pouces dans les heures. Approuvé. J'ai l'air joyeux de la vie avant temps. Oh oui. Ben tiens, nous aussi, on va être joyeux parce qu'on peut profiter de tes bons conseils. De tes quoi? Tes toi. De tes... Oh, c'était Mathieu Plante qui chantait ce matin. Non, c'était bien moi, c'était bien moi. C'est quoi? Tais-toi et cuisine. Xavier Antoire, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Hey, écoute, juste avant de commencer ta chronique, en fait, j'aimerais que tu nous expliques que tu as eu quand même un peu de difficulté à rentrer sur le campus. Oui, un tout petit peu. Mais j'ai eu de la chance parce que c'est dans le fond du monde que j'avais, que je connais un petit peu dans la vie de tous les jours aussi, qui était là. Donc, ça a accéléré un petit peu plus le processus. Mais oui, j'ai eu un tout petit peu de mal dans le fond. Ça a juste été ralenti. Il bloque pas totalement l'accès à l'université, mais c'est juste légèrement ralenti. C'est beaucoup de sensibilisation dans le fond qu'ils font. Donc, ils vont juste comme vous expliquer leur cause et vous dire dans le fond pourquoi c'est important de soutenir la cause. Parfait. Et ça, c'est évidemment pour ceux qui nous écoutent le lundi. Exactement. Et ouais. Ça s'est bien déroulé, là. Oui, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème ou quoi que ce soit. Il y a juste mon char qui a décidé de caler en plein milieu de leur démarrage. Ah, oh! C'était très, très bien. Il cale tout seul. Non, il cale pas tout seul. Moi, c'est juste que j'avais pas assez accéléré parce que, j'ai une voiture manuelle. Ouais. Voilà. Voilà. Avec le stick. Oui, on aime ça. Donc, Xavier, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses en particulier. Les thés de chai et les exclusivités web que nous avons dans la compagnie chez DVST. Alors, dans le fond, les thés de chai, à la base, chai, dans le fond, en indien, ça veut dire thé. Donc, à la base... Donc, c'est un véritable thé. Ouais. Mais dans le terme plus populaire, un thé de chai, dans le fond, c'est un thé épicé. Donc, généralement, avec le mélange de cannelle, clou d'girofle, cardamome, c'est quelque chose qui est à moitié sucré à cause de la cannelle et épicé à cause de la cardamome, le clou de girofle. Généralement, ça va être des thés noirs. Bah, pour un véritable chai, ça va être un thé noir et plus précisément avec un thé indien type Assam. Donc cannelle, clou de girofle, cardamome. Souvent, on va rajouter un petit peu de gingembre aussi, de poivre rouge pour avoir encore plus de sensations épicées. Mais je vous dirais qu'il y a aussi des versions sans théine, sans caféine ou des versions en thé vert. Donc ça va toujours être des thés épicés. Communément, on va toujours appeler ça des chai, ou si c'est des rooibos, on va continuer à les appeler chai, mais ce sera plus du thé en tant que tel. Et de manière totalement traditionnelle indienne, un thé chai est infusé dans du lait. Ah, pour vrai? Ouais, exact. Donc, c'est pour ça que maintenant, quand on parle, oui, je vais te prendre un chai, s'il te plaît. Est-ce que tu veux le prendre en thé normal ou en thé latté? Chai latté. Ben, en latté. Généralement, c'est très très courant dans le fond que les chais soient préparés en latté, mais il y a aussi moyen justement d'avoir cet thé épicé là en version normale, c'est-à-dire juste avec de l'eau chaude. Mm-hmm. Comme nous en ce moment. Ben ça c'est pas un chai. Ben, c'est pas ça. Un chai que vous avez à matin. Non. Vous avez refusé de prendre les chais. Donc c'est fraise rhubarbe. Oui. On a choisi le même par hasard. Hein. C'est parce que j'ai eu la flemme d'aller chercher. Ma deuxième exclusivité web dans mon auto. Une fois que t'es rendu ici, je pense que t'es mieux de rester pour un petit bout. Ouais, c'est ça. On sortira plus tard. Hein? Ouais. Donc la deuxième catégorie dont je vous parle aujourd'hui, c'est les exclusivités web. Donc, c'est vraiment des thés qui étaient présents dans les boutiques avant, mais qui se retrouvent uniquement sur Internet maintenant. Fin de stock discontinué, etc. Ben, pas nécessairement. Ça ne sera pas ramené dans le fond. Oui et non, parce que dans le fond, en ce moment, les collections hivernales, enfin la collection hivernale est devenue exclusivité web. Donc on termine les quantités qu'on a en magasin et après ce sera disponible uniquement sur Internet. Mais il n'y a rien qui dit que peut-être qu'à une prochaine collection, ils vont ramener une des saveurs de l'hiver. Peut-être, ça peut. Exactement. Arriver. C'est déjà arrivé. C'est exactement ce qui s'est passé avec la saison actuelle, la saison printanière avec Flamant Rose, qui était déjà passée par le exclusivité web mais qu'ils ont ramené finalement. Et également la même chose avec Chai Citrouille. Ah, le c'est l'Halloween. Et, bah, pas d'Halloween, mais vraiment de collection automnale, en fin de compte. Ouais. Avec ses pépites de citrouille, de caramel, avec cannelle, clou de girofle, cardamome. Oh, caramel. Oh, sensation sucrée à matin. Je veux du caramel dans mon thé, moi. Oh, il y a moyen de faire ça, Je ramènerai crème caramel rooibos. Miam. Wow, c'est du service? Ah, toujours. Demandez, vous aurez. Donc, dans les exclusivités web qu'on peut retrouver présentement chez DVST, mais que probablement ça va encore s'étendre prochainement, On a crumble fraise rhubarbe que vous êtes en train de goûter présentement. On est encore en train d'infuser. Ben ça, ils sont en train d'infuser. Ouais. Donc je vous dirais d'environ une minute, vous pourrez enlever votre poche de votre milieu chaud et humide. on a aussi eau de marécage qui était un ancien thé. Celui-là, vous arrêtez vraiment pas. Oh non, c'est vraiment pour faire peur aux grandes personnes en plus. Ça fonctionne bien, ouais. C'est mais bon, oui, il a une couleur verdâtre, mais il est vraiment bon. Il est très fruité. Couleur verdâtre en plus de s'appeler Jean Swamp Thing. Swamp Water. Mais il est vraiment très bon. Sensation de fruits de la passion et de goyave dans un rooibos sans théine, sans caféine. Mm. Rooibos vert en plus, si ma mémoire est bonne. Donc plein d'antioxydants. C'est du bonheur pour les enfants sans les surexciter. Ça a l'air très bon. Donc on a aussi crumble fraise rhubarbe, mélange de thé blanc, morceaux de fraise, cristaux de sucre à l'intérieur. Cristaux de sucre? Oui, on a des cristaux de sucre à l'intérieur. Donc celui-là, dans le fond, est quand même un petit peu plus sucré que les autres. Donc c'est essentiellement les saveurs de sucre qui vont passer, puisque dans le fond, ça ne va pas totalement fondre, mais il reste des cristaux de sucre à l'intérieur. Okay. La couleur est orangée un petit peu? Oui, c'est ça. Légèrement orangée à cause des morceaux de fraises. Mm-hmm. On a aussi en exclusivité web l'ancienne collection des ayurvédiques Pitta, Kapha, Vata, Shanti, qui sont devenus des exclusivités web tellement ils étaient redemandés en fin de compte à la compagnie. Ils ont décidé de les ramener uniquement sur web. L'ensemble de la collection hivernale, c'est-à-dire après ski, délices des pentes, chai chili chocolaté, Copa Banana, c'était un automnal. J'ai comme un gros trou dans ma tête. J'essaierais bien de t'aider, mais je ne suis pas au courant. Je m'en rappelle pas. Ouais, non. Ouais. Mais bref. Et on a aussi une eau de marécage, fleur de cerisier, celui que j'ai oublié dans la voiture. Ah. Mélange de thé vert et de thé blanc avec des cerises séchées à l'intérieur, pétales de rose. Il est vraiment excellent. J'en ai recommandé à 250 grammes dernièrement parce que je suis vraiment en manque. Il est vraiment super bon. Fleur de cerisier, c'est vraiment quelque chose à coup sûr. Léger, fruité, sans pour autant taper sur le cœur. C'est quelque chose que je conseille pour les personnes qui aiment bien justement l'été vert, thé blanc, avec des choses un peu plus délicates au niveau des saveurs. Ok, c'est bien. Là, on peut enlever notre poche. Oui, vous pouvez enlever votre poche. Vous pouvez vous retirer. Se retirer tranquillement. Hein, pressez votre poche. Enlevez tout le jus de votre poche. Pour éviter que ça jute partout. C'est ça. Mais soyez pas trop pressé. Non, faut jamais être trop pressé. Faut pas se prendre pour des citrons ou des oranges. Wow. Ça va être le moment de goûter très bientôt. Moi, j'y vais, je pense. Fais-tu goûter? Oh, vas-y, lance-toi. Et puis? Délicieux. Ça goûte ce que ça sent? Oui, ça me fait penser à de la confiture, pour vrai. À de la confiture? Ouais, de la confiture. Ok, je me rappelle. De la gelée. Ouais, la première fois que j'y ai goûté, je me suis dit, waouh, j'ai tellement l'impression de manger genre les croustades fraises rhubarbe. Non, les tartes fraises rhubarbe d'un magasin. D'un restaurant très bien connu. Ça goûte et ça sent les biscuits aussi, genre les biscuits mous, là, genre c'est de choses. C'est ça. Là, ouais, à saveur de ça. Hey, c'est bon. C'est carré. C'est bon, on aime ça. On aime ça. Mais là, j'ai chaud, là. Ouais. J'aurais envie de manger ma poche. Attends un peu. Puis, moi aussi, je commence à avoir chaud, mais je pense que je vais pas l'enlever tout de suite, mon collègue. Ah, ouais, donc. Non, je ne l'enlève pas tout de suite parce que je vais ressortir dans le panneau. Strip-tease. Non. Il n'y a pas de caméra, ça ne servirait à rien. Regarde-le. Les pauvres. On filme un documentaire sur ta vie. Ouais. Là, ma vie n'est pas si intéressante que ça. Là. Non, je sais, là, c'est ça. On se demande si on va pas arrêter ça. Ouais. On va la vendre. Et puis pour vous parler des thés de chai avec lesquels j'ai cuisiné. Oh oui, tu nous as fait un pain de viande semi-pain pas tant après. Ben dans le fond, c'est pas véritablement un pain de viande. Donc oui, ça a la forme d'un pain de viande, mais ce n'est pas un pain de viande. Puisque dans le fond, c'est juste une superposition de viande à l'intérieur. Superposition de viande. Une super transitération superficielle du quotient. On dirait une formule mathématique, superposition du pain. À tes souhaits. Ou une formule religieuse. Superposition du pain. Du pain et du fils. On a du pain et du fils, non? Surtout qu'on est trois dans le studio, je pense qu'on pourrait faire le père, le fils et le Saint-Esprit. Wow. Je veux être le Saint-Esprit. Oui, parce que t'es rendu tout nu là, depuis le striptease de tantôt. Fallait pas le dire. Bon. En tout cas, je suis pas saint d'esprit. Bon. Non, mais t'es simple, d'esprit. Aussi. sans dessin d'esprit. Donc, comment j'ai cuisiné tout ça, dans le fond? C'est, du bœuf finement haché, du porc finement haché, du poulet finement haché, légèrement salé, poivré. Pas avec du poivre du moulin, puisque j'ai toujours pas mon moulin à poivre. J'attends que quelqu'un m'en offre. Non, c'est du moulin à poivre, c'est rendu sans travail à poivre. du moulin, c'est une joke de magasin d'électronique. Là. Du moulin électronique. Bye. Très bon. Oh, à lundi matin, c'est... Non. Ça commence bien. Ça commence bien la semaine. Donc avec un petit peu d'herbe à l'intérieur, j'ai opté pour du thym, pour quelque chose d'assez passe-partout. Et j'ai rajouté 2 cuillères à thé de chai. Donc vraiment pour le poulet, j'ai opté pour le plus doux des chais qu'on a en magasin. Chai pur, mélange de thé noir, cannelle, clou de girofle et noix de muscade. Là, tu es en train de dire que tu as fait chaque viande indépendamment avec une autre sorte de thé. Exactement. Pour superposer ça. Exactement. J'ai vraiment mis, j'ai vraiment superposé vraiment en graduation de puissance d'épices et de viande, en fin de compte. Donc, j'ai mis vraiment le poulet dans le fond. Ensuite, j'ai rajouté la couche de porc avec le chai au guarana. Donc, le mélange de thé noir, de maté et de guarana avec cannelle, clou de girofle et anis étoilé à l'intérieur. Donc, beaucoup plus relevé. Pour terminer sur le dessus avec du bœuf haché en fin de compte, avec chai de Saigon, cannelle, clou de girofle, cardamome, poivre rouge et gingembre. Donc c'est vraiment le plus épicé de la collection. Aussi celui qui se rapproche le plus d'un chai traditionnel indien. Et j'ai fait cuire tout ça au four pendant environ 45 minutes, 350. Okay. Et ça donne quand même un super bon résultat. Ouais. C'est un petit quelque chose assez sympa, dans le fond, à servir comme entrée. Genre une tranche de quoi, comme un petit peu moins d'un pouce de large, servir avec une petite salade, c'est quand même très, très agréable, justement. Un craquelin. Exactement. Oui. Donc, c'est des choses à tester chez vous aussi. Vous pouvez mettre n'importe quoi d'autre à l'intérieur si vous voulez juste mettre. J'aurais très bien pu faire avec chai au coco, par exemple. Si moi, je voulais faire quelque chose comme de beaucoup plus fruité. En variante, genre avec le poulet, ça serait super bien passé. Chai et coco, le mélange de cannelle, clou de girofle, cardamome, poivre rouge et noix de coco dans un rooibos sans théine, sans caféine, on n'oublie pas. Ou avec exotique, mais là je pense que j'aurais plus fait infuser exotique avant puisque c'est avec de la citronnelle, cannelle, clou de girofle, cardamome, noix de coco et ananas. C'est comme un petit chai d'été ou un chai des îles, comme le dirait si bien ma petite co. Ta petite, c'est quoi? Ma petite K. Ta petite K? K. K? Okay, elle s'appelle Cassandra. Ah. Donc on l'appelle K. Ok, K. Pas K, mais K. Ouais, ouais, c'est chic. C'est K. Ça a de la classe. Ah, ça a de la classe. On aime ça, ce qui est classe. Donc voilà, c'est un petit peu le tour de moi et mes expérimentations de la semaine et de ce que je vous fais découvrir. Bien hâte d'écouter. Je sais que François, le matin, lui, les petites viandes. Ouais, les petites viandes, non, t'en sais pas. Je trouve ça quand même. C'est un petit peu rough pour ton estomac. Tu devrais essayer de faire du bacon avec, tu sais, mariné dans le thé, là. Bacon dans le thé, c'est bon, hein? Ou, tu sais, des muffins au bleu avec du thé. Lui, il voudrait des muffins à chaque semaine de l'année, tu sais. Ah, lui, il voudrait des muffins tous les jours, je pense. Ouais. Mais quoi, il pourrait en semaine des muffins, ça. Mais. Hein? Tu pourrais t'amener des muffins des fois. Ouais. François. Il pourrait m'en amener aussi. François, je vous ai ramené des muffins à la chronique. Tu as des recettes de muffins. Pourquoi tu les fais pas toi-même, tes muffins? C'est parce que les tiens sont meilleurs. Oh! Tu t'es repris pas mal. Ben là. Non, mais c'est vrai, c'est même pas pour t'amadouer. Je sais pas, j'ai pas encore goûté à tes muffins. J'ai pas encore goûté à tes brioches. Muffins! Écoute, je peux essayer de te surprendre la semaine prochaine. T'es là? Yeah! Ben oui. Ok, parfait. Mais ça sera peut-être pas des muffins. Ah. Bon. Je vais peut-être faire. Ben écoute, je vais peut-être faire du steak haché. Alors c'est quoi, la semaine prochaine on inverse les rôles, c'est vous qui me préparez de quoi? Ouais, il faudrait bien me demander. Non, mais peut-être, écoute, soit des muffins ou soit un gâteau. Un des deux. Mais je te prépare une surprise. Oh, on aime ça. Wow. Moi, si je te fais quelque chose avec des ramen. Fait, hein? Et quoi? Avec des ramen? Ramen, moi, c'est tout ce que je sais faire. Des œufs, des ramen, des toasts. Des toasts, toi, t'es capable? Des toasts, pas pire. L'année passée, t'es pas capable. De temps en temps. Hey, hein, je m'habitue. Ouais. C'est pas si pire. Une chose à la fois, là. Hein? Je pense qu'il y a plein de choses que tu pourrais faire avec des ramen aussi. Oui? Ben, c'est vrai, pour vrai. Ben oui. Ouais. Ben, passez en magasin, puis faites-vous servir par quelqu'un d'autre que moi, puis comme ça, vous garderez le suspense pendant un peu plus longtemps. Évidemment, on rappelle Xavier Antoine qui est au David City du Centre commercial Les Rivières. Oui, voilà. Là où on s'inspire des courants. Oui, c'est ça. J'ai trouvé. Oui, aussi. Aussi. Deuxième slogan. Donc, Xavier, à la semaine prochaine, lundi à 8h. Merci. Oui, pas de problème. On apprécie ton thé, on va se goûter ça pour la dernière. C'est tout ce qu'on apprécie. Hey, même pas ma présence qu'on apprécie tout chez toi. Yes, ben ouais, what I like about you. Bon. On écoute du Oblivion. En fait, c'est la pièce Oblivion de Grimes. Une grosse sensation du palmarès anglophone. Puis après ça, on parle sport avec Xavier. Pas Xavier, je dis ça chaque semaine. Non, Nicolas Ducharme. Nicolas Ducharme. Nicolas Ducharme. Réveille, man. On aura du charme et du sport. Oh, voilà. Donc, c'est bien dit. Tu devrais animer ça, cette émission-là, avec lui. Vous entendez avec bien, Nicolas ça? Avec chose François. Avec François. Ouais. Salut. Alors, j'aurais pas autant de classe que Monsieur Mathieu Plante. Ouh. Ça avait l'air vrai. retour, on vous réserve du charme et du sport. Assemblage requis, restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Le plan de demain à assemblage requis. On met le plat favori de Stéphanie Gagné sur Broil. On parle d'un peu n'importe quoi avec Gabriel Degrasse et la chronique littéraire de Marie-Pierre Lafourche-Bourin. C'est assemblage requis, ça se passe demain matin dès 7h. Nous, on va être là, passer de bonne heure le matin. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Un monstre et la pièce brûle. C'est un extrait du palmarès francophone sur l'album L'Iceberg à Assemblage requis. Il est 8h35 maintenant. Hey, tu sais, à l'émission, on se demande, c'est bon, on a parlé de la guerre, on a parlé de plein d'affaires. Bon, ce qui manquait, là, c'est du charme et du sport. Nicolas Ducharme de l'Écho de Trois-Rivières est avec nous, bon matin. Hey, bon matin, messieurs. Comment ça va? Vous avez parlé de la grève? Ben oui, on a parlé de la grève. J'espère, c'est sûr. Pas le temps de vous écouter ce matin, parce que pour dans le cadre de mon travail, moi-même, je couvrais la grève là, ce matin. J'ai été prendre des petites photos, parler à des étudiants qui font, ma foi, bien ça. Dans le calme, dans l'allégresse. Ça se remplit un peu là, sur des forges, entre autres. Il y a une congestion aussi. Petite congestion, mais on m'a expliqué qu'on faisait ça quand même bien. On veut pas que le boulevard entier soit brûlé comme la chanson d'André Crémont. Non, mais soit bloqué plutôt, Mathieu. Ah. Pas brûlé, bloqué. Ouais. Donc, c'était bien fait. Je pense que la date, ça se déroule quand même bien. Je pense que du côté de la GE, on remplit nos objectifs. On parlait ce matin, j'ai vu des photos de 300 personnes là, dans le 10-12. Il y avait du monde le matin. Vous avez été voir ça? Ben, écoute, on passe par là. Ouais, c'est ça, exactement. On passe par là. Puis non, c'est rare, le matin comme ça. Ah, c'est une mobilisation qui était quand même assez solide. Ça va être curieux. On va être curieux de voir ce que ça donne dans les prochaines heures. T'es-tu ici toute la journée ou? Non. Jour de deadline aujourd'hui. Il faut que je m'en aille à mon bureau écrire le plus rapidement possible. Ben, faisons une chronique d'abord. Hey, allons-y tout de suite avec les Patriotes. Je vous parle Patriotes Soccer là, qui disputaient hier. Les gars, les filles étaient en demi-finale de la saison de soccer intérieur au RSEQ. Double victoire. Les hommes, les femmes qui l'ont emporté. Donc, pour une première fois depuis le début de l'histoire. Les deux formations de soccer vont accéder à la finale intérieure. C'est cool ça. C'est très bien, vraiment, c'est très très bien là, du côté des Pats. Les hommes qui l'ont emporté aisément hier ici à Trois-Rivières, 4-1 sur les Carabins de Montréal. Début là, de Yannick et Jean-François Fournier et des deux Guillaume Sureau et Guillaume... il manque son deuxième nom. Ah, j'ai ça. Le site du RSEQ me fait... Sureau puis en dessous bas. C'est ça? Sur-haut et en dessous bas. Le contraire de. Sur-haut. En dessous bas. Enfin, okay. On enchaîne. Non, mais Mathieu, tu viens de te moquer du nom de famille d'un gars là, qui. Qui peut sûrement te péter. Et voilà. Son nom, j'ai viré à l'envers. Oh là, c'est donc faire. Non, plus sérieusement, donc, Guillaume, il manque. Je suis désolé, il manque le deuxième Guillaume. Son nom, c'est le site du RSEQ qui, ma foi, comme la semaine dernière, a des problèmes. Donc, victoire de 14, on va affronter les Rouges et Or. Le Rouge et Or de Laval. En finale, Laval, c'est l'équipe qui a fini en première position. C'est l'équipe à battre. Cette année. C'est l'équipe à battre du côté des Patriotes. C'est faisable ou pas? Ben, c'est faisable. C'est du soccer. On a terminé en deuxième position du côté des Patriotes. Donc, on n'est pas. On n'est pas en mauvaise posture. J'essaie de vous trouver le l'affrontement cette saison, qu'est-ce que ça avait donné entre les QTR et Laval? Ça avait été une victoire de 5-0. OK. Laval. Non, pas nécessairement. Écoutez, je pense que la saison, il y a plusieurs choses qui peuvent changer. Même dans une partie de soccer, il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir jouer. On se souvient l'an dernier, les Patriotes, qui défendent leur titre cette année. Faut pas oublier ça. Là, on est les champions en titre. C'est vrai. Et l'an passé, on avait remporté tous nos matchs en fusillade du côté des Pats. C'est 3 matchs de séries éliminatoires. C'était serré, mais ça a bien été. Exactement. Donc, à partir de là, je pense que tout est possible du côté de la troupe de Pierre Clermont. Là, faut tout simplement, je pense, connaître. Je pense que si on connaît un bon départ, on établit notre rythme, puis comme on dit en termes de sport, on se met dans la face de Laval. On a des chances d'emporter, pas de doute. Ça devrait être un très bon match. Et ce dimanche, 15h30, du côté du Centre Alphonse-Desjardins. Les filles maintenant qui, oui, comme je disais, l'ont emporté elles aussi. Victoire, par contre, c'était beaucoup plus serré. 2-1 en fusillade pour les filles qui battent eux aussi les Carabins de Montréal. C'était à Montréal, par contre, le match, donc devant les partisans des Carabins. Cette victoire leur permet de s'en aller en finale qui va être disputée à 13h à Trois-Rivières. Donc, dimanche, j'avais pas vraiment de raison d'être ailleurs que le Centre Alphonse-Desjardins à Trois-Rivières. Grâce à cette victoire de 2-1, donc on va affronter le Vert et Or de Sherbrooke qui l'a emporté 2-1 contre McGill. Sherbrooke a terminé au 4e rang au classement du RSEQ, alors que l'UQTR au 6e rang. Donc, des séries éliminatoires de surprise. Les Underdogs. C'est des upsets qu'on dit en termes anglophones. Upset. Une surprise, si on veut. Les sous-estimés qui l'ont emporté là, dans ces séries-là. Bonne chance aux filles. Bonne chance aux gars. La troupe de Justin Tapsoba là, qui surprend ces éliminatoires après avoir aisément éliminé Concordia vient de faire la même chose avec les Carabins. On parle maintenant là, de volleyball. C'était le championnat québécois de division 2 de volleyball en fin de semaine ici même à l'UQTR. Et contrairement à l'année dernière, les filles n'ont pas pu défendre leur titre. Elles se sont inclinées 3-0 contre l'UQAM en finale de ce championnat après avoir éliminé l'UQAC par 3-0. Et alors que l'UQAM avait fait de même contre l'UQAR à 9h le matin. C'était de bonne heure, hein? 3-0. Donc, on en parlait. Cette ligue-là était une ligue à deux équipes. Et même, je pense qu'on pourrait même dire à une équipe, l'UQAM, qui a été supérieure toute la saison. En 12 matchs, on seulement a subi la défaite une fois, sans compter bon le championnat. Donc, si on accumule, c'est en 14 matchs, on a 13 victoires, une défaite. Leur seule défaite avait été contre l'UQTR. Je pense que le titre revenait aux filles de l'UQAM, aux citadines, et ça a été accompli de leur côté. Belle saison quand même là, du côté des filles, qui doivent être un peu déçues ce matin et... Ouais, c'est sûr. Samedi devait l'être pas mal. Et on part maintenant à hockey. Ça débute ce jeudi. Le championnat canadien de hockey universitaire, les Patriotes, qui vont y être contre, bon, je vous nomme les équipes, les fameux Redmond de McGill, les Aigles Bleus de Moncton, le Varsity Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick, les Huskies de l'Université de Saskatchewan et les Mustangs de Western. Ça sera pas facile pour les Patriotes parce que dès le début du tournoi, on joue la première journée, ce jeudi, le 22, contre l'équipe haute du tournoi, UNB. On parle de la meilleure équipe au Canada et c'est plate à dire, mais la meilleure équipe de loin, Il y a une bonne coche, là. Une force de frappe du côté des Varsity Reds là, qui est assez solide. On parle là, entre autres là, du côté de leur meilleur joueur, Kyle Bailey, entre autres, Chris Culligan, et voilà. Je cherchais là, dans mes statistiques. Chris Culligan et Kyle Bailey là, qui sont deux forces. Dans les filets, Dan Lacosta, ça vous dit Mathieu, Dan Lacosta, bien évidemment, que tu connais pour avoir eu toutes ses cartes Pro 7. Yes. Dan Lacosta, pour ceux qui font ça me sonne quelque chose, Dan Lacosta. A joué pour qui, lui? A joué pour les Blue Jackets de Columbus. A eu 4 matchs dans la Ligue nationale. Donc, il est maintenant retourné. N'a pas joué professionnel assez longtemps. Donc, moi, je sais pas exactement c'est quoi les règlements au niveau de l'association canadienne, mais il me semble. Je pense que si on joue 5 années professionnelles, on perd notre éligibilité t'as droit à 5 ans. Donc, si tu joues 5 ans chez les professionnels, t'as plus d'années. Si t'en joues 4, il te reste une année d'éligibilité. Si t'en joues 3, t'en restes 2. Tu comprends le principe? Okay. FO. Donc, du côté de Dan Lacosta, là, c'est un très, très bon gardien. Ça va être difficile. Il n'a pas gardé tous les matchs. Il a gardé 15 matchs cette année. C'est divisé le travail avec son assistant. Mais là, attendez-vous à le voir. Ouais, en pleine forme. Là. Ah, ben, attendez-vous à le voir là, occuper le filet là, cette année pis, là, du côté des Varsity Reds. Y a-tu vraiment une bonne coche? Tu sais, si le gars, il va jouer dans la Ligue nationale, c'est parce qu'il... Ben oui, honnêtement, si t'as joué dans la Ligue nationale puis tu t'en viens jouer universitaire, il y a une bonne différence officiellement. Ouais. Là. C'est pas pour rien qu'il est bon, qu'il y a des bonnes statistiques comme ça, mais bon, le hockey, c'est une chose, ça se décide en un match. Oh non, exactement. Donc, du côté de la tour des facteurs, là, le problème, c'est qu'on s'en va jouer au Atkins Center, 3500 personnes. Pas un foutu partisan. Pas un foutu partisan. Parce que c'est loin, là. Ben, c'est Nouveau-Brunswick. Bon. Il y a pire, là. Je veux dire, l'an prochain, ça va être dans l'ouest, si je me trompe pas, là. Je me souviens plus exactement où, là, mais ça va être. C'est pas à la porte d'à côté. Je pense à Saskatchewan, si je me trompe pas, là. Donc, ça sera pas facile. Mais bon, UNB, ça va être l'équipe. C'est l'équipe à abattre dans ce tournoi-là. Et c'est un tournoi qui ne laisse pas place à la défaite. Tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un tournoi, on a 6 équipes divisées en 2 poules. On joue ce qu'on appelle un round robin, un tournoi à la ronde contre les équipes qui sont présentes, donc dans ton propre pool. Donc, jeudi plutôt, les Patriots affrontent UNB. Si on est défait, on affronte dès le lendemain Western. Le perdant de l'autre partie. Du moins, Western n'aura pas joué. Donc, Western affronte le perdant de ce match-là, alors que gagnant va affronter Western samedi. OK? Donc, en cas de défaite dès le premier match, ben c'est à toute fin prête terminé. À toute fin prête terminé parce que du côté de UNB, logiquement, UNB devrait l'emporter et contre UQTR et contre Western. Si on réussit à battre Western du côté des Patriotes, on se doit quand même de l'emporter contre Western. Si les Patriotes réussissent à vaincre UNB, contre Western, on doit au minimum aller chercher un point si on veut passer. Ouais, c'est ça, là. C'est ça, c'est très difficile. C'est un tournoi qui pardonne pas. Bon, Si tu perds contre UNB, t'as beau gagner contre Western, si UNB réussit à battre Western, t'es fait. Ouais. T'es fait. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça sera pas facile du côté des Patriotes. Même journée, le 22 mars en après-midi, McGill va affronter Moncton dans le premier match de ce tournoi. Le lendemain, Saskatchewan et Western vont justement recevoir les perdants des deux premiers matchs. Et le 24 samedi, Saskatchewan et Western vont recevoir le gagnant des premiers matchs. Donc, gagnant Patriotes UQTR. Donc, les Patriotes jouent le premier match. Ça va être jeudi à 7h, heure de l'Atlantique, 6h ici, ne vous trompez pas. Il y a possibilité de voir ça sur Internet, sur SSN Canada. Leur deuxième match, ils l'emportent, c'est samedi. Ça va être contre Western à 14h30 de l'après-midi. Ce match-là est diffusé sur Sportsnet, ceux qui ont accès. Ouais. Et la finale, c'est dimanche à 8h p.m., devrais-je dire. Ouais, 20h. 20h, merci. Heure de l'Atlantique, toujours, hein, n'oubliez pas. Donc 21h ici. Exactement. 21h ici, exactement. Contre le gagnant. Donc, ça va être gagnant-gagnant. Et c'est à Sportsnet aussi. OK. RDS ne diffuse pas? Non, RDS ne diffuse pas. TVA Sport ne diffuse pas, pas à ma connaissance. Donc, c'est malheureusement pas un tournoi qui reçoit beaucoup d'attention des médias là, au Québec. J'étais un des seuls, honnêtement. Là, c'est quand même du bon calibre. Ben, je devrais avoir des textes là, dans cette semaine. Je vais avoir mon. Toi, tu vas-tu là-bas? Non, pas pour l'instant. J'attends la finale. Je vous tiens au courant si jamais il y a des changements. Peut-être une petite intervention jeudi matin, vendredi matin dans votre émission rapide. Là-dessus, pour l'instant, là, c'est pas prévu que je me dirige là. Donc, on va suivre ça à distance. Mais je devrais avoir. Je vais avoir le mercredi dans l'Écoute Trois-Rivières. Je vais avoir votre. Votre photo? Non, mais le preview, j'ai juste le terme anglais. L'avant-match, l'avant-goût. Merci beaucoup, Mathieu. L'avant-goût de ce tournoi-là. Puis suivez ça. Donc, sur Internet, on va faire. Je vais vous récapituler tous les matchs. On va suivre ça. Là, on va s'arranger pour que tout le monde à Trois-Rivières soit au courant de ce qui se passe du côté des Patriotes. On avance. On va parler maintenant de l'Impact qui disputait son premier match cette fin de semaine à domicile au Stade Olympique. Et t'étais là. J'y étais. Quel événement. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais. Je suis pas un habitué de soccer nécessairement. Je ne suis pas né dans le soccer. Chez moi, on jouait au foot, au baseball plutôt. Ouais. L'été, l'hiver. Entre les deux, moi, tu joues à la cachette. Je connais, oui, la cachette qui est la canisse aussi, bien évidemment. Ouais. j'ai appris lentement à aimer le foot, puis je voulais arriver là avec un maximum de connaissances. Le foot, le soccer, comme vous l'appelez. Le foot, la misère à dire soccer, moi. Ouais. Je sais que je me dois en Amérique du Nord de dire soccer, mais j'ai tout à le foot qui me revient facilement. Donc, disons, mon soccer, je voulais être certain de te connaître et. Bon, c'est un record d'assistance là, du côté de l'Impact. On parle du match de soccer qui a attiré le plus de monde de tous les temps à Montréal. C'est une foule de 58 912 spectateurs. C'est combien le billet? Moi, dans ma section, c'était 43$. Et quand même. J'étais pas dans la section la plus proche. Donc, ben, pas la plus loin non plus. Il y en avait à 65-70$. Le prix moyen pour un billet tournait autour de 30$. OK, donc t'étais quand même bien placé. Ouais, je peux pas me placer. J'étais en bas, là, un peu, là. Se donner une idée, là, si on est... Moi, vois-tu, mettons, là, d'instinct comme ça, là, j'aurais dit que les prix, ça va se donner à ceux du baseball. C'est vraiment, vraiment... Ouais, ben, c'est parce qu'à Montréal, les prix pour le baseball étaient ridicules aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Il y a aussi le fait qu'au baseball, on joue deux fois plus de matchs qu'en MLS, là. Donc, c'est... Il y a ça aussi, le 162. Ah, non, j'ai voulu ça rentre en ligne de compte. C'est ça, parce que 162 matchs au baseball, il y en a 34 en saison régulière là, pour l'Impact. Donc, quand je disais, c'est 5-6 matchs de plus. Donc, on peut se permettre des prix plus bas. Donc, oui, 58 000 personnes. Bon, je peux vous dire qu'il y avait quand même des sièges vides. Mettons 58 arrondis vers le haut pour l'Impact. Ben, on a donné des billets, Mais bon. Ouais, mais c'était ça. Là. Mais regardez, vous donnez une idée, là, il y a quelqu'un qui avait calculé ça, puis j'ai vu ça passer. La masse salariale permise en MLS pour une équipe, c'est 2,8 millions. Donc, c'est le maximum que tu peux dépasser en salaire sans tes joueurs désignés. Là, ouais, c'est ça, tu nous expliquais la semaine dernière. C'est ce que j'expliquais. Donc, maximum 2,8 millions. Avec ce match-là, en disant. Une moyenne de 30$ du billet fois le 58 912 personnes qu'il y avait là, ben l'Impact vient de faire 1,7 million. Environ. Ça va bien. Environ. Donc, on va être rentable cette année du côté de l'Impact. Ah, ouais, j'ai la ferme impression. Pour le nombre de victoires qu'on va avoir, on n'en aura pas beaucoup. Ça, on s'y attend. Mais ce match-là, contre le Fire, ben, l'Impact le méritait. L'Impact, c'était un match que l'Impact a dominé. On a été bien meilleur au niveau des réflexes, bien meilleur au niveau du temps de possession, au niveau de trouver ses hommes, au niveau de créer des chances. Seul problème, ben c'est ça. C'est encore un problème de finition du côté de l'Impact. Lorsqu'on s'approche de la surface, on a un petit peu plus de difficulté à percer les défensives. Bon, le Fire, c'est pas une très grande équipe non plus. Mais tout de même, je pense que la foule, l'explosion qu'il y a eu dans la foule lorsque Davy Arnault a coté le premier but de l'histoire de l'Impact à MLS, c'était un beau moment. Tout le monde dans la foule, ça a explosé, mais aussi sur le terrain, les joueurs étaient en extase. Je pense qu'on l'avait sur le cœur un peu de ne pas avoir marqué de but à Vancouver. Donc, on voulait absolument s'inscrire devant 58 000 personnes. Tu veux vendre ton produit un peu, là. C'est ça, là. C'était important. Donc, c'était vraiment un beau but de Viano. C'est une passe là, de Sanon Niasi, là, vraiment, là. Une passe qui est soulevée directement dans la surface de Viano qui... sort de nulle part là, avec une tête qui réussit à battre le gardien du Fire. C'était très bien fait. Par contre, le Fire a égalé la marque à la 71e minute. Un but de Dominic Oduro sur un jeu. Là, on croyait vraiment qu'il y avait un hors-jeu. On l'a pas appelé du côté des officiels de ce match-là. Donc, dommage. 1-1. La marque finale, même en terminant le match, là, l'Impact là, dans les dernières secondes. Pas tout tenté. Frappé un poteau là, à la dernière seconde. Poteau, la barre transversale, le poteau. Par contre, je pense que le but aurait été refusé. Il y avait hors-jeu. Là, aurait été refusé, devrais-je dire. Il y avait hors-jeu du côté de l'Impact. Mais voyez-vous, là, les tirs au but là, pour l'Impact, là, c'est 15 contre 12, dont 6 sur la cible contre 3 pour le Fire. Donc, beau match du côté de l'Impact. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Ouais. Tu y retournerais? J'y retournerais sans aucun doute. Ouais. J'y retournerais au Stade Saputo. J'ai hâte de voir ça. Ouais, aller voir ça, exactement, ouais. Ouais, parce qu'on n'a pas ouvert le... Ça, c'est extérieur. On n'a pas ouvert la toile. Non. C'est peut-être mieux le même, hein? Ouais, le fameux Stade Olympique. J'ai hâte qu'à un moment donné... On parle beaucoup, là, on a engagé des experts du côté de Montréal pour essayer de redorer l'image du Stade Olympique. Il y a un fort travail à faire du côté de l'Impact. Pas du côté de l'Impact, mais du côté de ce qu'on appelle la RIO, là, la Régie des installations olympiques. On parle de... Bon, t'as déjà été au Stade olympique? Ouais, j'ai déjà été. C'est du béton partout. Ça fait longtemps, là. Ouais. OK, c'est du béton partout dehors. Quand t'arrives, c'est du béton partout. On parle là, d'éventuellement peut-être mettre du gazon. La verdure. De la verdure, un parc. Emmener des... Bon, nous, on voulait aller manger, on voulait aller boire un petit peu avant. C'était à Saint-Patrick. Il n'y a pas grand-chose, hein? Il n'y a rien à l'entour. C'est vrai, ça. Je me suis stationné sur Peel. Okay. Pour aller au Stade Olympique, c'est à peu près 20 minutes de métro. Donc j'étais loin là, j'étais pas. J'adore le métro là, honnêtement. Là, ouais, ça va bien. On arrive là, c'était pas compliqué. Puis c'est un beau moyen de transport. Mais là, j'ai hâte, si on veut faire quelque chose, si on est pour investir dans le stade, là, on parle de changer de toit encore. Là, on parle est-ce que ça va être un toit fermé à temps plein ou un toit qui va être rétractable, un autre modèle que ce qu'on a présentement. On ne sait pas encore. Moi, il y a une chose que je vais recommander énormément. Elle est là. Là, on l'accepte éventuellement. Il n'y aura plus jamais de baseball dans le Stade Olympique. Là. OK, on est d'accord. S'il y a une équipe qui revient à Montréal... Non, ça va être dans un nouveau stade. Un nouveau stade. Au centre-ville. Au nouveau stade, au centre-ville. Ou peut-être plus, on parle beaucoup d'une équipe de la Ligue Can-Am. Ben, ça va être un petit stade de 5000 places, pas plus. T'sais. Ça sera pas des lignes majeures. La grosse affaire. Donc, on l'accepte, c'est fait. Les expos sont morts. Ce qu'on peut... Moi, c'est con, mais j'aimerais ça que ça revienne. Ouais, moi, j'aimais bien ça, mais bon. J'aimais ça, mais il n'y a aucun intérêt de faire ça. Non, je sais, Question financière. Mais on parle d'un investissement d'un milliard. Non, c'est ça. Aller chercher une équipe, te coûterait 300, 400. Non. Puis ça prend un stade à 500, 600. Donc, oublie ça. Il n'y a pas personne qui va investir ça dans une ville. Où est-ce que le baseball est mort et enterré, personnellement, à part, lorsqu'un événement comme la mort de Gary Carter arrive, là, on est tout nostalgique. Là, l'Impact a quand même souligné le fait qu'on a dédié un peu le match, la deuxième demi. On a monté un logo de Gary Carter qu'on avait placé à l'arrière du terrain, à l'arrière du filet, donc le numéro 8 avec, je pense que c'était écrit merci dessus. Donc, c'était bien fait. Mais moi, là, ce que je veux, là, si on est pour investir dans le stade, là, ça prend deux choses. Premièrement, on l'accepte, plus jamais de baseball. Les estades là, qui bougent, là. Puis là, qui fait qu'on est mal assis, peu importe où est-ce qu'on est, on est loin de l'action. On l'accepte, puis le baseball, on fout ça à terre un peu. Ouais, tu peux le reconfigurer d'une façon. On configure officiellement le stade en mode soccer, football. C'est la même chose. Donc, s'il y a une Coupe Grey qui s'en vient à Montréal, on est là. Puis là, on peut placer des sièges, on peut en placer beaucoup plus. Parce que je sais pas si tu as vu un peu le match là, où est-ce qu'il y avait des estrades temporaires, un peu dans ce qu'on appelle l'espace entre ce qui était l'estrade derrière le marbre et les estrades qui longeaient, qui sont déplacées en arrière des bancs des joueurs pour l'occasion. Donc, on l'accepte, on refait ça un peu, et on se retrouve avec un bien plus beau stade. Il y a de la place parce qu'on est assis très haut, donc on peut descendre ça. Il y a moyen, c'est moyen de faire quelque chose. Il y a moyen, je peux pas croire. Et on l'accepte, on refait le stade. Ça, restaurant, bar, peut-être aussi? Ouais, ben s'il y a moyen de créer une ambiance, parce qu'un restaurant, présentement, il n'y a pas personne qui va aller investir dans ce coin-là, à part Joe Patate, là, pour le monde du coin, mais arriver avec un gros restaurant dans le coin, il n'y a rien. Mais de revitaliser ce coin-là, de rendre plus artistique, plus vert, plus de verdure, que les gens... Plus d'événements, peut-être, mais que les gens aient le goût d'aller là. Vous savez, il n'y a pas personne qui a le goût d'aller au Stade Olympique. Qui vaut, là? S'effondre deux jours sur trois. Bon. Donc, c'est ça. On l'a quoi? T'as le biodôme, toi? Oui, il y a le biodôme. Il va y avoir, je pense, le planétarium qui s'en vient. Ouais, exact. Il y a le stade Saputo qui est là aussi. Ouais. Donc, c'est de créer, pourquoi pas, une journée d'aller s'asseoir dans le gazon avec la famille, faire un pique-nique et en fin d'après-midi, aller voir l'Impact au stade Saputo ou lors du début de saison. Bon, ben, moi, je suis pas mal sûr. Si on veut des matchs à domicile pendant le mois de mars, mais il va falloir que ça se joue au stade olympique pour le reste d'existence d'Impact. Là, au mois de mars, c'est difficile à prévoir. Ouais, là. C'est ça, là, hein? Ouais. Premier match, match d'ouverture, ben là, comme l'Impact va jouer 4 matchs en mars, il y en a 3 qui sont sur la route, un à domicile. Si on fait nos 4 premiers matchs sur la route, ça, c'est moyen un peu, c'est ça. Donc, pas de problème, on va jouer au stade olympique. Puis, regardez, c'est pas plus compliqué que ça, c'est parfait. Hey, j'avance rapidement, là, je vois le temps qui avance. On parle même pas du Canadien aujourd'hui. De toute façon, on s'en fout du Canadien, c'est terminé. On parle de Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. C'est terminé pour la saison là, de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. Les Cataractes de Shawinigan qui ont disputé 2 matchs cette fin de semaine. Vendredi à Victoriaville, défaite de 7-5 au Colisée Desjardins. Devant 3420 personnes. Aïe, full pack. Il y avait du monde. Ce match-là était sur Vox, si je me trompe pas, en plus. Donc, les gens pouvaient le regarder, à domicile. Ça n'a pas été la partie d'Alex Dubois là, qui a accordé 6 buts en 24 lancés. Donc, probablement pas le type de performance qu'on s'attendait. Je sais pas si Éric Veilleux voulait tester Dubois avant le début des séries. Ça se peut. J'ai l'impression qu'il a échoué un peu son test là-dessus. Là. Ça n'a pas été la meilleure partie du jeune gardien de but. Donc, défaite de 7-5 et le lendemain... On a fini la saison de la bonne façon du côté des Cataractes avec une victoire de 2-1 contre les Voltigeurs de Drummondville. Bon, je dis de bonne façon, ça répète un peu plus convaincant. Bon. On se cachera pas, là. 2-1, on a vu mieux. Mais bon, victoire de Gabriel Girard qui l'emporte avec 24-5, 23 arrêts. Zacharis Gagnon, les buts pour Shawinigan et Alex Simon en milieu de troisième là, qui réussit à réduire la marque. Mais ça ne fut pas suffisant. Les séries qui s'amorcent, c'est vendredi, si je me trompe pas. Ça commence vendredi cette semaine. Vendredi cette semaine. J'essaie juste de voir si le calendrier exact est disponible sur la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. Non, toujours pas. Donc, merci beaucoup, Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. C'est le fun, le matin. Ça, hein? C'est je m'y attendais, mais bon. Oui, je suis pas mal certain là, que ça débute. C'est ce vendredi. C'est ce que j'avais lu pour ça. Donc, les Cataractes qui vont faire face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Sur papier, ça devrait se terminer en 4 ou 5 matchs. Je dis bien sur papier. On sait que les Cataractes, bon, c'est pas toujours l'équipe la plus constante. Hein? Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, du côté des Cataractes, les Huskies, je m'attends, comme je dis, là, c'est ça. Une victoire quand même facile. Les autres séries là, dans la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec, les puissants Sea Dogs de St. John's qui vont se mesurer à leurs cousins. Des Maritimes, les Screaming Ghosts de Cap-Breton. Terminer ça en 4, ça sera pas plus compliqué que ça. Les Screaming Ghosts ont 2 victoires leurs 10 derniers matchs, donc ça sera pas très, très difficile. Espérons-le. Ce sera même pas. Ouais. C'est pas compliqué. L'Armada de Blainville-Beaubriac va se frotter aux Olympiques de Gatineau. C'est, tant qu'à moi, une des séries les plus intéressantes cette année. Bon, l'Armada, qui a terminé au 3e rang, 86 points, par contre, réellement, là, devrait être au 6e rang. Bon, parce que c'est tout à l'heure les divisions. T'es premier de ta division, donc t'es parmi les trois premiers de la Ligue. Gatineau, si on est de la même division, il y a eu beaucoup de rivalités cette année. Je sais pas si t'as vu, dernièrement, Benoît Groulx qui a... Le coach. Ouais, qui a défait une poubelle. Ben, c'est ça. C'était un coup... Mais son joueur en a reçu un peu, là. Ouais, il y a eu du jus de poubelle. Hey. C'était un peu dégueulasse. Hey, c'est moyen. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il pète les plombs? Ben, c'est ça, c'est Thomas Ika qui est le meilleur joueur du côté de Gatineau qui s'est fait donner un coup de genou par Vincent Étier, si je me trompe Vincent pas. Vincent le pas fin, là. Ouais, c'est ça. Donc, du côté de Benoît Groulx, on n'était pas très, très heureux, bien évidemment, de voir son meilleur joueur, Vincent Richer plutôt, de voir son meilleur joueur être blessé comme ça. Les séries s'en viennent. Les séries s'en viennent, exactement. Donc, les deux équipes vont se faire face. Attendez-vous à du bon jeu. Puis je pense que ça va brasser. Ça va brasser là, du côté des deux équipes. Victoriaville qui réussit à battre les Remparts au 5e rang. Donc, on termine avec le 4e rang du côté de Victoriaville. Ça pourrait être important tantôt en 2e ronde des séries. Va affronter le Drakkar de Baie-Comeau. Ça devrait être du côté de Victoriaville à 16e rang. Les Remparts de Québec au 5e rang vont affronter les Voltigeurs de Drummondville. Encore là, je m'attends à une victoire des Remparts plutôt facile. Les Moussets d'Halifax au 6e rang vont affronter les Foreurs de Val-d'Or. Les Moussets là, qui ont bien fini la saison. Mais les Foreurs aussi, on est 8 victoires, 2 défaites dans les 10 derniers matchs. Donc, attendez-vous une série un petit peu plus serrée, peut-être en 6 ce match. L'Océanique de Rimouski va affronter le Titan de Caddy Batters. Non, pas vrai. Hey, je me suis trompé. Je recule. On vient. Juste Moncton. Ouais, les Wildcats de Moncton vont affronter les Moussets d'Halifax. Ça, par contre, cette série-là, je m'attends... c'est ça. Ça a plus d'allure. Les Moussets devraient l'emporter pas trop difficilement. Les Foreurs de Val-d'Or vont affronter l'Océanique de Rimouski. Attendez-vous peut-être à une surprise des Foreurs qui pourraient surprendre dans ce match-là, mais dans cette série-là. Mais l'Océanique, là, qui a une bonne formation. Et le Titan de Caddy Batters va affronter les Saguenayens de Chicoutimi. On n'a peut-être pas voulu finir aussi fort qu'on voulait du côté des Saguenayens de Chicoutimi. Aussi, on avait vendu beaucoup pour obtenir Jean-Gabriel Pageot à la date limite des transactions. Mais là, pour l'instant, là, ça n'a pas totalement payé. Mais logiquement, sur papier, les Saguenayens devraient l'emporter. Et c'est pas mal ça, à part de ça, là, dans le monde du sport trifluvien. Louis-Philippe Dumoulin qui a terminé 2e aux 12 heures de Sebring. Donc, très, très bonne performance. Pour vous donner une idée, les 12 heures de Sebring, là, c'est parmi les courses les plus prestigieuses sur la planète. On parle de 60 voitures sur la piste dans 5 catégories différentes. Donc, Louis-Philippe Dumoulin là, et son équipe sont 3 pilotes. Tu pilotes pendant 12 heures. Qui l'a terminé 2e. On peut parler aussi du Caron Hégué. 2 victoires pour le Caron Hégué cette fin de semaine. Avec ça, là, ils sont en meilleure position pour faire les séries éliminatoires. Ils ont 1 point d'avance sur l'isothermique de Thetford Mines. Les Estacades de Trois-Rivières sont éliminés. Les Dragons du Collège de la Flèche, ça va prendre un match ultime ce vendredi prochain. Et c'est pas mal ça. Mikael Zuski qui l'a emporté. Le boxeur qui l'a emporté samedi plutôt du côté d'Atlantic City au Bally's Casino contre Joel Vargas. 92 secondes, fini. Ça n'a pas été long. Un bon encore. Plus de son, plus du mal. Ah, ben, gars, j'ai hâte de voir Mikael Zuski affronter des candidats un petit peu plus solides. Parce que présentement, il y a trop de talent pour les boxeurs qui fait face. T'as de monter à la machine. J'ai discuté avec lui, là, puis il m'a dit, gars, il dit, on y va progressivement. Il dit, moi, je laisse ça dans les mains de mon gérant. Mais il dit, gars. Ouais, exactement. C'est puis ça. Un peu de confiance. Il m'a dit, ce type de combattant-là que j'ai affronté, c'était un dur de dur. Un dur à cuire. Bonne mâchoire avait été mis au tapis une semaine fois en 9 combats. Il dit, gars, il dit, moi, j'avais jamais vraiment vu ça. Il dit, j'ai utilisé ma vitesse, les coups au corps, ça a payé. J'étais trop vite pour lui, puis c'est ce qui a fait qu'il l'a emporté. Donc, ça prépare pour lentement mais sûrement là, puis ça va être payant lorsque je vais avoir un championnat, un combat de championnat du monde. Ben, on va y souhaiter à Mickaël, mais en attendant là, belle victoire pour lui cette fin de semaine. C'est ce qui conclut ma chronique. Merci avec seulement 4 minutes de dépassement, c'est pas si pire. Pas si pire, ça a de l'allure. Contrairement à la semaine passée, c'était quoi? 9h30, 9h30, c'est ça. De l'Atlantique, je pense. De l'Atlantique. Donc, Nicolas Ducharme, la semaine prochaine, Ducharme et du sport. Yes. On a compris l'affaire de l'Atlantique. Ouais, ben, je veux dire 10h30, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est difficile, des fois, de faire la transition. Donc, c'est ça. Lundi prochain, nous, on va se mettre à jour un petit peu sur la situation avec la grève. L'article, qui a été publié sur la Nouvelliste il y a quelques minutes, tantôt, juste après notre début d'émission, qui parle de l'ultimatum lancé à la rectrice. On rappelle que ça a lieu à midi. Oui, exactement. Pierre Boucher. Et on rappelle aussi que dans l'article sur le Nouvelliste, il y a une photo de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Notre chroniqueuse est juste là. Elle est habillée en rouge, fait qu'elle a l'air vraiment très, très, très gay. Oui, exactement. C'est ce qu'on m'a dit là, du côté du président de la GE, qu'on veut ultimatum. Si on ne suspend pas les cours, on parle d'augmenter nos moyens de pression. Donc, on n'a pas voulu me révéler quels étaient ces moyens de pression-là, ce qu'on pouvait faire exactement. Mais attendez-vous, là, les étudiants. Une chose est sûre, une chose est certaine, les étudiants qui sont en cours ce matin, attendez-vous à avoir ce qu'on appelle des opérations commando. Ça va être perturbé. Là. Ça va être très perturbé. Je pense pas qu'on a l'intention de laisser ça aller là, du côté des étudiants. Puis en même temps, t'as vu la réponse de l'université? Bon, on n'a pas l'intention, hein? Hein? On n'a pas vraiment l'intention de fermer les cours, là, ce qu'on a non, dit. Non, c'est ça exactement. C'est Et ça. Puis, si ça allait être bloqué, il s'arrangerait pour que ça soit débloqué. C'est ça. Ben, de force. Ouais, jusqu'à pour que les campus point. Soient accessibles. C'est ouais. ça. L'autre chose, par contre, c'est que du côté des professeurs, dans leur propre convention collective, on a, si jamais on est, si jamais on se sent en danger, où notre sécurité est en jeu, on n'est pas forcé de donner nos cours. Donc, je pense qu'il y a plusieurs professeurs qui se priveront pas de ce droit-là si jamais il y a le minimum de bras camarades. Exact. Et selon notre journaliste sur le terrain, Audrey Tremblay, du Zone Campus, nous dit de nous armer de patience. Et sur des récollets, ça avance, mais extrêmement lentement en ce moment. Donc, voilà. Et sur le pont Jacques-Cartier, Claude? Tenez-vous au courant et on sera de retour évidemment demain matin entre 7h et 9h pour vous faire le compte-rendu de ce qui s'est passé depuis aujourd'hui. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Sur nos ondes, aujourd'hui à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, la rediffusion des Palmarès C'est fou avec moi et Jasmine Raymond-Drainville. À 16h, les Ladies du Boudoir. À 17h, c'est les gars de Toutoulien. Et puis en soirée, le voyage insolite à 19h et Catalepsie avec Simon Fitzbé à partir de 20h. Et puis juste en terminant, on va faire tirer deux certificats cadeaux du torréfacteur d'une valeur de 5$ chaque, donc appelez 376-5183. Dans le 819-376-5183, maintenant. C'est maintenant là, pendant qu'on écoute David Giguère et sa pièce Encore. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye. Entre l'été et l'automne, prison de mœurs et des amours, téléphone. Et puis elle joue, et puis me déjoue, et à son jeu j'ai tout perdu. Mais moi je m'en fous car sous sa robe se cache une issue. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Sa vie à se courber le dos dans les jardins de nos ébats. Y a un secret, en fait le tien, auquel tu tiens bien plus que moi. Et tes amants qui par milliers viennent déterrer ce que j'ai trouvé. Aller creuser, aller crever dans les sentiers de sa beauté. Alors je prendrai mon temps, encore du temps.